Dans la salle à manger, tout le monde est debout et le marquis est tout joyeux. On l'a retrouvé. Mais au fond, ça devait se terminer comme ça. Vous autres, taisez-vous et asseyez-vous. Le boulanger entre. Où est-elle? Elle n'est pas ici, mais on sait où elle est. Elle n'est pas loin. Vous l'avez vue? Non, pas moi. Écoute, c'est Maillefer qui l'a vue. Tu sais, Maillefer le pêcheur. Je revenais de Mérargues, avec Esprit, nous n'avions rien trouvé. Et nous étions un peu tristes à cause de toi. Et à l'entrée du village, nous avons rencontré Maillefer qui revenait. Et il m'a dit, j'ai vu la femme du boulanger. Quand? Il y a une heure. Où est-elle? Alors il m'a dit, ça, je vais le lui dire à lui-même. Alors je n'ai pas insisté davantage, parce que je le connais. Si on le questionne, il ne répond plus. Mais vous êtes sûr qu'il a vu? Ah, s'il l'a dit, c'est qu'il l'a vu. Et il va venir te renseigner. Mais surtout, ne le questionne pas, n'est-ce pas? Et ne l'interromps pas. Sinon, il s'arrête, il se lève et il s'en va. Et vous, mesdames, tâchez d'écouter ce vieux maboule en silence. On dira rien. Qui sait où elle est? Le voilà. Maillefer entre avec sa canne à pêche et son panier à poissons. Bonjour la compagnie. Bonjour Maillefer. C'est ta fête au boulanger? Tu sais, ce sera ma fête et c'est selon ce que tu me diras. Hein. Alors je crois que c'est ta fête. Hein. Asseyez-vous, Maillefer. Dis, tu as vu ma femme? Ah, écoutez-moi, hein. Si on me coupe quand je parle, je peux plus rien dire. Va, parle, Maillefer, parle. On ne te coupera pas. Il me semble que j'entends chanter. Pétug et Casimir entrent en chantant, des bouteilles à la main. Taisez-vous, vous autres! Il y a Maillefer qui raconte où elle est. Mais nous, on ne savait pas. Et où elle est? Il n'a pas encore dit, mais ça s'approche. Allez, allez, venez. Taisez-vous, espèce d'ivrogne. Alors, Maillefer, tu t'approches de la haie et qu'est-ce que tu vois? Ouais. Qu'est-ce que je vois? Ça y est, je ne m'en rappelle plus. Oh. Ah, ça y est! Une tanche. Elle nageait tout doucettement, là, avec ses grandes nageoires ouvertes, et je me cache bien, j'amorce d'un verre en croix, et par-dessus la haie, je lance ma ligne. La pâle lui tombe même devant le nez. Hop, elle saute. Toc, je la ferme. Alors là, ça a commencé. Le boulanger blême et tremblant d'impatience se contient à grand-peine. Il ferme les yeux et serre les poings. Et à la première secousse, je me méfiais. Alors, je lui ai laissé du fil. Mais à la deuxième secousse, ça a été imprévu, hein. Et j'ai été surpris. Je croyais qu'elle allait tirer à gauche. Toc! Elle tire à droite. Mon sillon, il était tordu comme une baleine en parapluie. C'est que c'est pas donné à tout le monde de pêcher une tanche. Et alors, à la troisième secousse... À la troisième secousse, tu commences de nous emmerder. Quoi? C'est un peu long, tu vois pas qui s'estancile là? Tu le fais exprès de le faire attendre? Bon, on m'a coupé, je m'en vais. Non. Maillefer se lève. Il n'y a pas de Maillefer qui tient. Le boulanger s'élance, le saisit aux épaules et le secoue furieusement. Tu parles, dis! Je compte jusqu'à trois. Ils sont dans une île, dans les marais en face de la ferme Jean-Blanc. Tu les as vus? Ouais, laissez-moi respirer, donnez-moi à boire, bande d'assassins. Il fait deux pas en arrière et tombe assis sur une chaise. Il souffle bruyamment. Parle, à la suite. Tu les as vus? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Parle. Ne m'embouscule pas, hein, bon. Alors pendant que je pêchais, hein, j'entends une voix de femme. Une voix de femme qui chantait. Ah, vous y voilà. Oui. Alors je m'approche de Garapachon, me cachant, sans faire de bruit. Je regarde entre deux feuilles et qu'est-ce que je vois? Ta femme qui chantait. Le berger, lui, il était couché sur l'herbe, il jouait de la guitare. Mais pour ça, elle chante bien, ta femme. Hein. Eh bien, alors si elle chantait, c'est qu'elle était contente. Mais elle en avait l'air. Oui. Surtout qu'elle était toute nue. Hein. Oh. Naturellement. Qui sait si c'est vrai? Ah pour ça oui, et puis elle est belle, hein. La malheureuse. Alors j'ai regardé un petit moment, et puis je suis parti sans faire de bruit. Oui. Et dis donc, c'est loin d'ici? On a une bonne demi-heure à pied. Et on y va tous. On prend les fusils, on y va tous. Et pourquoi les fusils? Et si le berger veut pas la rendre? Et s'il veut pas la rendre, eh bien on lui prendra. Allez, faites silence, vous autres. Et tâchons de ne pas dire de bêtises. Allez tous m'attendre au cercle. J'offre une tournée générale. Nous autres, nous allons dresser notre plan de campagne. Allez, sortez. Allez, allez-vous-en. Allez. Cependant, le berger et la boulangère dorment enlacés dans la cabane des marais. Il fait chaud, malgré le petit vent qui porte les abeilles devant la porte.